Quand ça en écoutant les clochons, j'ai craqué, je croyais que c'était du blues. Avec l'ampli complètement à fond, j'ai réussi à faire descendre le plafond. Les voisins du dessus sont descendus. Ils chantaient sur le dessus du chapeau pointu. Avec eux, il y avait 12 flics sadiques. Avec leurs flics, j'ai maintenant les deux yeux au beurre noir et 3 dents rangées dans le placard. J'suis allé voir mon pote le dentiste. Question sadisme, avec lui c'est pas triste. Il est toujours complètement dans les vapes. Y'a même des jours où il se prend pour le pape. Il m'a bousillé les dents qui me restaient. Oui mais, sans me faire payer. Avec mes yeux tout noirs, je passais dans le métro. Les 3 rockers, ils m'ont pris pour un pingue, c'est trop. Ils m'ont attaché sur les rails en ricanant. Heureusement qu'est arrivé un agent terroriste qui m'a dit ton compte est bon. Tu vas passer une bonne nuit au violon. Y'avait des clochards qui cuvaient et les plus me bouffaient. C'est pas le pied. Oh yeah. Quand je suis sorti le lendemain matin, je le dealer m'attendait avec tous ses copains. Ils croyaient que je les avais donnés. Et j'ai encore vraiment bien dérouillé. Pour me venger en rentrant chez moi, j'ai foutu le feu chez un pote à moi. Mais ce stalo avait un stock explosif. C'est plus un dip. J'ai mal au pif. Enfin, je suis allé dire bonjour à Sylvie. Mais la salope, elle était avec Francky. Elle m'a foutu dehors comme un connard fini, me disant je ne veux plus boire ici. Ensuite, je suis passé boire Christine. Mais elle était clapsée, tout moche de morphine. De toute façon, je suis crevé, j'en ai marre. Me barre, yeah. Quel bâtard. Thaïlande hier soir, dans un rond, ni un pote à aller voir. Les mecs des trucs m'ont tout de suite ramassé, tellement j'avais l'air défait. J'ai retrouvé tous mes potes en prison, derrière la grille habillée en maton. La vie est dure pour les babas recyclés, c'est vrai.